Bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Il est maintenant donc 19h heure française, 17h en temps universel, passé d'une minute d'ailleurs. Et vous venez d'écouter mes primitives poilitations juste à l'instant, mais dans les messages de bienvenue de nos animaux à poil et à plumes de nos régions ou pas de nos régions. Donc dans l'ordre, il y a eu la chouette chevêche, le gibon, le loriot, le rouge-gorge et la pigargue à tête blanche. Voilà, une petite fantaisie, quoi. Faire passer quelques petits trucs comme ça aussi pendant... ça fait pas de mal de laisser un petit peu parler les animaux, hein. Je regarde qu'est-ce qui se passe sur le chat. Je vois qu'il y a Mister Pop, il y a moi, et puis il y a les robots. Voilà. Coucou, à Mister Pop. Et on va commencer avec les poils. Donc, une émission, qu'est-ce qu'il y a marqué, hein, de remontrer le fil. Salut, bande des protozoaires. Ah oui, alors justement, j'ai prévu quelque chose à propos de protozoaires, puisque... j'ai une petite nouvelle au sujet de leur poil, qui est quelque chose d'assez récent, donc qui tombe à pic pour qui tombe pile poil pour cette émission. Anonyme s'appelle maintenant Mister Pop Mortel. Une émission pour un auditeur. Oh, bah, de toute façon, il n'y aura peut-être pas qu'un auditeur puisque les émissions sont téléchargées aussi une fois qu'elles sont en ligne. C'est d'ailleurs comme ça que les émissions sont principalement écoutées. Et là, je suis en train d'enregistrer. Qu'est-ce qui se passe là? CTRL-L. Ah oui, j'ai enregistré une minute. Oui, enfin, moi, il continue à enregistrer quand même. Il n'a plus qu'une minute, mais c'est pas grave. C'est juste l'affichage. Hein. J'ai eu peur là. J'ai juste le début de l'émission là dans mon éditeur audio. Mais enfin, c'est bon. Le compteur continue à défiler donc. Pas de problème. Donc, pour commencer, tout en douceur, avec un petit peu de musique, je vois qu'il y a quelque chose qui vient d'être écrit, donc je vais peut-être, un coucou aussi. Qu'est-ce qui... Moi aussi, j'ai eu peur. Peur de quoi, d'ailleurs? J'ai juste eu un petit doute, là, sur l'enregistrement de l'émission. Bon, on aurait loupé que le début, mais non, le début, on l'a. Donc, premier morceau de musique. On va commencer par une petite douceur quand même. C'est PSAI qui nous interprète, qui nous joue Fête Foraine et Barba Papa, donc, qui a été mis en ligne le 10 octobre 2007 et c'est sous licence Creative Commons by MCND 2.0. C'est parti! Thank you. c'était donc, je ne mélange pas dans les titres, donc Fête foraine et Barbapapa de BSAI, juste à l'instant. Et le sujet de l'émission cette fois-ci, donc il y a un sujet, un fil conducteur, ça va être, ben, c'est pas un fil conducteur, c'est même un poil conducteur. On va parler aujourd'hui, on va se faire une petite promenade sur le sujet du poil. Et s'il y a un poil, en tout cas, pour lequel je suis réputé, c'est celui qui se trouve au menton. J'ai la fâcheuse manie de ne pas me raser. Et donc là, je peux dire que je marmonne dans ma barbe. Voilà. Donc, et ça y est, j'ai redit un voilà, et ça va être, ça arrive. J'ai beau essayer de me surveiller. Et celui qui se trouve dans la main, il y aura plus à voir. C'est ce qui se trouver là à ce sujet. Mais pour l'instant, il s'agit donc du poil qui se trouve au menton. Et généralement, c'est plutôt aux hommes que l'on prête cette qualité. Alors, j'avais déjà prévu un morceau qui s'appelait Teddy le Barbu. Et puis, alors, petite recherche, tiens, ça se trouve plus sur Dogmazic. Petite recherche aussi de la SACEM. Bah oui, c'est encore un qui s'est inscrit, qui ne sait pas que, justement, il devait avoir un poil dans la main pour aller consulter donc, les statuts du contrat qu'il a signé. Mais il m'en reste un autre, c'est la Barbe Noire, et là c'est Yalta en 2007. Donc obtenir les informations, voilà. Donc l'album s'appelle L'Ombre de l'Archange. Et alors, compositeur, donc là ils sont désignés nommément Antoine Brézon et Thomas Veil, V-E-Y. Là ils ne sont pas passés par des pseudonymes. C'est sous licence Creative Commons by NCSA 2.5. Et donc, cette barbe noire, ça se lance pas une barbe, hein, parce que, ou alors, c'est une fosse, hein. Mais on va écouter ce que ça fait comme son. Et majesté, qui j'avais coiffé une liche loyauté. Une barbée noire pour aller visiter un océan qui n'est pas pacifique qu'on le dit, malgré son nom. Et on va rester dans le domaine de la barbe, là, dans l'immédiat. Mais, donc je disais que les barbes sont attribuées habituellement à des hommes, mais les femmes peuvent aussi en porter. Et j'ai donc, je suis donc allé chercher une chanson qui date de 1865, donc, je ne peux pas vous passer l'enregistrement que j'ai donc un replica d'un 78 tours, parce qu'en revanche, l'orchestration qui accompagne, c'est pas domaine public. L'orchestration a été réécrite, malgré les 5 ans, les plus de 50 ans d'ancienneté, l'enregistrement date de 1934, malgré l'auteur est né en 1827 ou quelque chose comme ça. Le compositeur est mort en 1867, donc bon, ce serait largement dans le domaine public, mais pas l'orchestration. Donc, je vais devoir le chanter moi-même. Alors, juste petit traficotage, enfin petit déménagement. Là, je suis devant la table de mixage, l'écran et tout ça. Là, je vais devoir passer de l'autre côté, là où il y a mon instrument, celui dont j'ai appris à jouer de façon très approximative, d'ailleurs, un orgue électronique. Donc, veuillez excuser ce petit blanc ponctué de bruit, de clonk et de bruit, mais l'instrument en question n'est pas déplaçable. C'est-à-dire que ceux qui me l'ont livré à deux, quoi, ils ont pesté parce que c'est très lourd. C'est un instrument qui date de la première moitié des années 70, donc un truc qui marche encore à transistor, qui n'est pas numérique du tout. Et bon, ça fonctionne encore, hein. Malgré l'ancienneté du machin, si, ça fonctionne. Et d'ailleurs, ça va passer à l'antenne là d'ici quelques secondes, juste le temps de déménager. Et puis j'en profiterai alors pour apporter quelques petites précisions là, puisque la feuille, elle aussi, se trouve de l'autre côté. Le siège déjà est déménagé. On prend le micro, attention, ça va faire un sacré bruit. Hop, sur les câbles. Alors, ça, c'est le casque. Je vais d'ailleurs en avoir besoin. Donc, voilà, le câble, il est là, qui se balade pas n'importe où. Et parce qu'après, on se prend les pattes dedans, c'est pas génial. On va placer ça ici. Le siège d'ailleurs. Voilà, il est à la bonne hauteur. Et ah oui. Je m'entends, même si je suis à 3 mètres du micro. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Oui, peut-être un peu plus fort. Si... 1, 2. 1, 2. Si, ce serait bon comme. C'est presque bon. Voilà. Donc voilà, les paroles sont de Elie Frébeau. Ah, j'ai peut-être beaucoup de réverb là, hein. Un peu trop quand même. Voilà, je suis pas en train de faire du camouflage non plus. Donc, paroles de Elie Frébeau, donc c'est lui qui est né en 1827, et puis la musique composée en 1865 par Paul Blaquière. Alors, j'ai pas l'année de naissance, mais il est mort en 1867, donc en 2 ans, il n'a pas vraiment profité du succès de la chanson. C'était tout pour les héritiers, et puis bon, bah, la société de perception de droits d'auteur, évidemment, parce qu'elle était déjà comme maintenant à l'époque. Donc voilà, on a petit chenin. Donc voilà, j'ai le câble. Ah, ça y est, j'ai redit, hein, voilà. Donc, le câble ne me gêne plus comme ça. J'ai accès. Voilà, je suis bien installé. Ben, je peux démarrer, là. Entrez dans mon établissement, vous ne trouverez pas dans toute la foire un phénomène plus surprenant que cette barbe qui fait ma gloire. Vous pouvez toucher, ne craignez rien, ça ne vous restera pas dans la main. Touchez, voyez que c'est pas des frimes, et ça ne vous coûte que 10 centimes. Entrez, bonne d'enfants et soldats, tâchez, moyen de faire ployer ce bras. On ferait plutôt ployer un arbre. C'est moi que je suis, la femme à barbe. C'est moi que je suis, la femme à barbe. Quand je vais au monde, on reconnut que je serais l'honneur de la famille. Jusqu'ici, on n'avait pas vu de barbe au menton d'une fille. En me gratifiant de cet agrément, si elle m'a fait un fier boniment, avec ça, je ne suis pas feignante. Je soulève des poids, 350. Entrez, bonne d'enfants et soldats, tâchez, moyen de faire ployer ce bras. On ferait plutôt ployer un arbre. C'est moi que je suis, la femme à barbe. C'est moi que je suis, la femme à barbe. Je trouve qu'au sujet de cet ornement, les hommes ont âme un peu trop fière. Je ne suis qu'une femme et cependant, moi j'en veux aussi demander à Pierre. Pierre l'Hercule d'en face un agneau, qui est jaloux de moi comme un taureau. Aussitôt qu'un civil me lorgne, ah non d'un chien, comme il vous le cogne. Entrez, bonne d'enfant et soldats, tâchez, moyen de faire ployer ce bras. On ferait plutôt ployer un arbre. C'est moi que je suis, la femme à barbe. C'est moi que suis la femme à barbe. Les sergents de la garnison me font parfois la galanterie, m'offrir un canon sans façon. Moi je vois pas avec l'infanterie. On a de la barbe, mais de la pudeur. Je suis une femme et pas un sapeur. Je plains celui qui aurait l'impudence, pas respecter ma corpulence. Entrée, bonne d'enfants et soldats. Les hommes grêlés ne paieront pas. C'est pas de la chair, ça c'est du marbre. C'est moi que je suis, la femme à barbe. C'est moi que je suis, la femme à barbe. Petit déménagement de nouveau. Je retourne à ma place habituelle, aux manettes et au micro, en face de l'écran. Là, voilà, la chaise, le siège, hop, réglage de hauteur. Hop, hop, hop, voilà. Le micro et son pied. Ça va pas être évident de pas cogner. Voilà, tout en douceur. Alors le réglage des niveaux, oui, ça a l'air bon. Et ben je vois que j'ai dû saturer pendant la chanson. Là j'ai du rouge. Bon bah tant pis, c'est fait. Alors je retourne. Qu'est-ce qui se dit sur le chat? Alors voilà. Pas de blême, sa famille, j'ai pas. Non, en fait j'ai plus. Alors c'est une famille proche de pompiers à Marseille. Non. En fait ils sont pas du tout. J'ai pratiquement plus de contact avec eux de toute façon. J'ai mis de la reverb. Alors la chanson, oui. Donc c'est une chanson que j'ai entendue en fait. C'est très très militaire hein, comme accompagnement. Alors pas génial ça. Hein. J'aime pas trop ce genre de choses. Hein. J'ai préparé déjà un texte. Hein, faut que vous mettez encore la musique là où je me fous de la gueule d'un militaire. Fan de fanfare militaire quoi ça. Et en ce qui concerne donc la façon dont c'était chanté, alors là c'est encore pire hein. D'après l'enregistrement, je pense que dans le souci de faire mieux, c'est-à-dire quand on part comme sur des trucs genre Starac et compagnie pour l'époque, donc on fait au lieu de faire mieux on fait plus. Elle a dû être aboyée très souvent. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait par, comment qu'elle s'appelle là, par Juliette Gréco, comment est-ce qu'elle interpréterait ça? Ça, ce serait, alors la reverb, c'est une reverb cathédrale même, pour être précis. Monsieur Pop qui note que c'est de la reverb. Et donc là, on a fait toute la partie barbe. Alors après la barbe, il y aura aussi la moustache. Mais là déjà, petite chose que j'ai préparée, c'est une information qui date du 8 mai. Donc là, je suis parti comme point de départ d'une dépêche d'Associated Press Dépêche en français, évidemment, mais bon, c'est sur Radio-Canada que j'avais entendu ça, à propos du génome de l'ornithorynque. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que, bah, on est dans les histoires de poils, mais aussi pourquoi pas de plumes et de cailles. Et, bon, je trouve que ça peut encore aller dans le sujet. Il y a un petit note pour ces morceaux, il apprend. Bah, c'est bien, oui. De toute façon, bon, c'est... Moi, ce que je dis toujours, c'est en faisant des conneries qu'on apprend, hein. Donc voilà le texte, hein. J'ai un petit peu revisité le truc, hein, puisqu'on est dans le sujet des poils, donc on va rester, donc je l'ai reformaté pour le sujet. Donc, le génome du trinitaire ornithorynque enfin décodé. À lui le règne et la gloire des poils, des plumes et des écailles qui lui sont permis simultanément par sa trinité héréditaire. Génétiquement, il est à la fois poilu et mammifère, plumeux oiseaux et écailleux reptiles. Un bec de plumeux canards, une queue et une fourrure de poilu castor et de l'écailleux venin dans les talons. À première vue, le trinitaire ornithorynque est une curiosité de la nature. Mais depuis jeudi, c'est plumeusement officiel. Le génome du trinitaire animal a été décodé et montre qu'il est bien le résultat d'un mélange de plusieurs espèces au fil de l'évolution. La plumeuse carte génétique du trinitaire ornithorynque a été publiée jeudi dans la plumeuse revue scientifique Nature. Une plumeuse avancée qui pourrait... Ah, c'est pratique, ce plumeux conditionnel pour extrapoler sur ce qu'on voudrait faire croire qu'on sait. Je disais donc, une plumeuse avancée qui pourrait, mais c'est pas sûr, aider à comprendre comment les poilus mammifères, poilus humains inclus, ont évolué depuis leurs conditions d'écailleux reptiles il y a plusieurs millions d'années, selon les poilus auteurs de ces plumeux travaux. À première vue, le trinitaire ornithorynque apparaît comme un accident de l'évolution, explique Francis Collins, poilu directeur du plumeux institut américain de recherche sur le poilu génome humain qui a financé la plumeuse étude. Mais aussi bizarre que semble le trinitaire animal, son génome est inestimable pour comprendre comment les processus biologiques des poilus mammifères ont évolué. Selon Danny Graves, poilu spécialiste de génétique à la plumeuse université nationale australienne qui a participé à la plumeuse étude, les plumeux travaux ont établi que l'ADN du trinitaire ornithorynque est un écaillé mélange de plusieurs espèces, espèces poilues, écailleuses et plumeuses. Ce que nous avons découvert, c'est que le génome, tout comme le trinitaire animal, est un amalgame incroyable de caractéristiques de poilus mammifères et d'écailleux reptiles, ainsi que de quelques caractéristiques uniques du trinitaire ornithorynque, a-t-elle expliqué sur les plumeuses ondes de la BBC. Les éléments liant le trinitaire animal aux poilus mammifères sont l'allaitement des petits et la présence de fourrure, tandis que la ponte d'œufs et la production de venin le rapprochent des écailleux reptiles. Notez toutefois que le trinitaire ornithorynque ne possède pas de mamelles. Les trinitaires petits lèchent le lait qui suinte tout autour du corps de la trinitaire maman. Les poilus scientifiques pensent que les poilus mammifères ont évolué à partir des écailleux reptiles et que les écailleux animaux qui allaient devenir les poilus humains et ceux qui allaient évoluer en trinitaire ornithorynque se sont séparés il y a 165 millions d'années. À la différence d'autres poilus ou plumeux animaux en évolution, l'ornithorynque a conservé des caractéristiques d'écailleux serpents et d'écailleux lézards, selon John Graves. Voilà. Ah ben, Mr. Pop qui s'est endormi avec cette histoire de trinité, de l'ornithorynque qui est reptile, mammifère et oiseau, en même, tout ça en même temps, selon son code génétique, ce qui a en fait été une sacrée surprise pour ceux qui l'ont étudié. Retour à la musique avec, là, avec cette fois-ci, ben, on passe de la barbe à la moustache. La moustache, par BITP, alors non, celui-là on peut l'enlever,

apparition. Le capitaine Moustache a donc décidé que les oppresseurs du poil seraient châtiés. Pour accompagner cet ennemi d'éclat, il aurait fallu une femme à barbe. Sans que cette absence le désespère, il décida donc d'épouser la mère. Kong, notre jeune ami. Kong, le pilier. Mais dis-moi, il serait pas un peu porté sur la New Wave? Ah oui, capitaine, mais mieux vaut New Wave qu'After Shave. Elle était vraiment très mauvaise, celle-là. Oui, c'est vrai, capitaine. Ah, mais je veux dire, on va se faire, sinon plus personne va l'entendre, ce solo. Oui, d'accord, capitaine. Ça serait dommage, quand même. Oui, à vos ordres, capitaine. Je veux dire, un bon solo dans une chanson, c'est indispensable. Vous avez raison, capitaine, comme d'habitude. D'ailleurs, je crois qu'il vient de terminer. C'est vrai, capitaine, enfin. C'était une fois sur l'océan, une grande publicité depuis de maintenant. Parti en croisade de contrôle des clabres, elle est mijurée du rasoir jetable. Il y à la tête de cet équipage un individu peu recommandable. À côté de lui, par bleu fait tâche, c'est le redoutable capitaine Moustache. Velu comme des turcs, comme des spartiates, collier au flaquet, des bivoles au pas. Le triomphe du poil, la grande coupe de hache, nous équipés du capitaine Moustache. Quand le capitaine Moustache fut capturé, on lui propose un rasage contre liberté. Mais le capitaine Moustache s'esclavia, et en priant ses vacances, il déclara: plutôt que de sacrifier ma philosophie, je pourrais faire sur le sol voir ma tête rouler. Il mourut martyr et non glabre lâche, à se filer la légende du capitaine Moustache. Il mourut martyr et non glabre lâche, à se filer la légende du capitaine Moustache. Il mourut martyr et non glabre lâche, à se filer la légende du capitaine Moustache. La moustache aussi a été représentée dans l'émission avec BITP et puis son New Wave, bon tant pis. Hein. D'abord la moustache des filles et puis après c'est les garçons. Il faut respecter la parité. Hein. La moustache, ça, tout le monde a le droit d'en porter. Et ça y est, je commence de nouveau à perdre le fil. Oui, donc après, oui. Donc après, on va passer tout à l'heure aux cheveux. Alors, dans les poils, bah, j'avais encore prévu quelque chose, oui, donc on avait parlé donc tout à l'heure, là, avec le Solid Protozoaire, j'avais donc vu, j'avais trouvé des trucs à propos des bactéries. Ben, la bactérie, elle a ce qu'on appelle un pilis, c'est-à-dire un poil qui lui sert à sa sexualité. Ben, on parle même de sexualité des bactéries et des protozoaires ici, dans le sujet des poils. Ça, je ne pouvais pas non plus le louper. Là, c'est quelque chose que j'ai appris il y a donc une nouvelle que j'avais entendue il y a un ou deux mois de ça. Donc, ce qu'on savait, c'est que les bactéries s'échangeaient du génome, qu'elles se servaient lors de cette sexualité du poil, mais on ne savait pas que c'est à travers ce poil que ça passait. Où est-ce que j'ai mon truc voilà, elle est là, ma page. Donc, on pensait en fait au départ que le monsieur protozoaire se servait de son poil pour attraper madame bactérie, comme s'il avait un lasso. Il attrape la bactérie, puis ça y est, radada avec. Et puis en fait, des expériences en laboratoire ont montré que non, c'est pas du tout ça, nanana, ça ne passe pas par la membrane. En fait, il a donc un poil qui peut faire 3 ou 4 fois sa longueur dans certains cas. Oui, enfin, ça ferait rire certains, mais je vous assure que si ça nous arrivait, on serait plutôt handicapés. Hein. Un truc aussi long. Donc ce poil de Monsieur Protozoaire, il rentre dans Madame Bactérie et c'est là-dedans que passe du génome. Alors c'est avec c'est pour cela d'ailleurs que les bactéries sont très rapidement résistantes aux antibiotiques, à tout ce qu'on fait pour essayer de lutter, parce que les individus qui résistent le mieux à toutes les misères qu'on leur fait pour essayer de s'en débarrasser avec tous nos machins, c'est ceux-là qui donnent leur patrimoine génétique aux autres. Et ça, c'est d'une certaine façon, c'est un peu une mauvaise nouvelle pour que ça ne change rien, puisque c'était déjà quelque chose qui existait, simplement on ne le savait pas. Parce qu'il se trouve que c'est pratiquement 96% du génome qui est transmis de cette façon qui est utilisé. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que maintenant on sait comment que ça marche. Donc on pourra peut-être empêcher ça dans les prochains médicaments, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de la bactérie, mais on va leur mettre du bromure ou quelque chose comme ça pour que les bactéries ne puissent rien se faire entre elles comme ça. Ne puisse pas s'échanger des informations génétiques. Attends, là, je te passe le truc là pour résister là, au produit qui nous rend malade. Non, c'est les bactéries qui devront tomber malades et pas nous. Donc, sujet suivant, après la barbe, après la moustache, on monte encore. Alors, les cils et les sourcils, j'ai pas trouvé, donc on passe directement aux cheveux avec Exa, qui lui tient à ses cheveux longs. Et malgré sa dame qui veut l'habiller, le cravater et tout, qui veut lui faire couper les cheveux, il a résisté longtemps. Alors voilà cette résistance pour la survie de la longue pilosité. J'avais une veste grise et des vieux jeans délavés. On me disait, tu tringardises, tu as l'élégance d'un navet. Jusqu'à ce que je me grise dans les plis de ton duvet. Depuis je mets des petites chemises et des polos à col en V. Tu as changé mon allure en trois coups de cuillère à peau. C'est une rupture, il n'y a pas d'autre mot. Mais y'a une chose qui dure, qui ne changera pas de sitôt. C'est la chevelure qui me descend dans le dos. Je sais que tu n'aimes guère la longueur de mes cheveux. Mais si tu espères, alors écoute cet aveu. Tu auras beau faire ou dire tout ce que tu veux, j'irai en enfer plutôt que me couper les cheveux. Tu as réussi à me mettre une écharpe autour du cou. C'est plutôt dur à admettre quand on a vécu comme un loup. Je ne m'étais pas aperçu que tu t'étais transformé, que tu étais devenu un institut de beauté. Tu as changé mon allure en trois coups de cuillère à paume. C'est une rupture, il n'y a pas d'autre mot. Mais y a une chose qui dure, qui ne changera pas de sitôt. C'est la chevelure qui me descend dans le dos. Je sais que tu n'aimes guère la longueur de mes cheveux, mais si tu espères, alors écoute cet aveu. Tu auras beau faire ou dire tout ce que tu veux, j'irai en enfer plutôt que me couper les cheveux. Mais un jour, par surprise, il eut l'angle là de trop. À cause d'une chemise tahitienne aux couleurs fluo, et ce fut la cerise qui fit déborder le gâteau. J'ai fait mes valises et j'ai regretté aussitôt. Tu as changé mon allure en trois coups de cuillère à paume, mais notre rupture m'a laissé sur le carreau. Comme je désespère, j'ai réalisé ce vœu. Puisque je suis en enfer, je me suis coupé les cheveux. Les cheveux coupés. Et là, on était sur tout à fait autre chose là sur le chat. Voilà, bon, on partait en fait de possibilité de spam. J'avais décalé mon émission à 19h parce qu'il y a une autre émission sur un autre site de musique libre qui commençait à 20h et je ne savais pas trop s'ils allaient insister ou pas sur le forum du site. Et donc, en parlant de robot spammer, de façon un peu ironique, je suis passé à un autre robot, celui qui aspire tout seul. Oui, oui, ça existe. Et puis, il y en a même un autre, encore plus cher. Ça, c'est de la... qui, lui, passe la serpillière. Mais je ne dirai pas les noms des marques, parce que, bon, on n'est pas ici pour faire de la publicité. On n'est pas payé pour ça. On n'a pas d'horaire à respecter. Hein. Quand je travaillais sur une radio pseudo-associative, mais parfaitement commerciale, le plus important, d'ailleurs, c'était que la publicité passe à l'heure. Donc, éventuellement, il était arrivé une fois qu'un journal, qu'un journaliste avait préparé, avait sauté, était passé à la trappe, parce qu'il fallait d'abord passer la pub, c'était vachement plus important. Voilà. Et j'ai redit voilà. Donc, décidément, je suis incorrigible. Alors, en ce qui concerne les cheveux, alors autant que ça, j'ai oublié de préciser d'ailleurs de dire qui c'est qui chantait. Donc, c'est les cheveux longs par Xa, sur le site en 2007. Bon, apparemment composé en octobre 2006. Et donc. Ça qui est sous Creative Commons Sampling plus 1.0, ça c'est une licence d'ailleurs que je ne connais pas trop, je sais pas trop ce qu'on en fait. Moi j'ai regardé surtout les licences qui pouvaient me servir à moi, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc lui il voulait les garder ses cheveux, mais finalement il les a coupés. Alors par contre, il y a M la campagne qui lui au contraire est fier de ne pas avoir de cheveux. Donc sur l'album Épelez-moi. Donc, la chanson Sans Chapeau, sous licence Creative Commons by NCSA 2.0, il ne veut pas, il n'a pas de cheveux et il en est fier. Je vais passer outre tout préjugé, faire mon coming out et vous avouer que j'aime. gêne, ma calvitie. Oh, j'aime, oui, j'aime mon crâne dégarni. Laï, laï, laï. Je ne saurais envisager pour rien au monde d'une perruque m'affublée, brune, rousse ou blonde, car j'aime, oh j'aime, ma calvitie, oh j'aime, oui j'aime, mon crâne dégarni. Je veux être chauve, c'est mon but dans la vie. Je veux être chauve, allez, souris. Car j'aime, oh j'aime, ma calvitie. Oh j'aime, oui j'aime, mon crâne dégarni. Oh j'aime, oh j'aime, ma calvitie. Oh j'aime, oui j'aime, mon crâne dégarni. Moi qui n'ai jamais été beau, je ne cherche pas à le rester. Je sais vieillir car mon ego en ça n'est pas indisposé. Moi qui n'ai jamais été beau, je ne cherche pas à le rester. Je sais vieillir car mon ego en ça n'est pas indisposé. Comme, comme une aphrodite ménopausée. Comme, oh comme une aphrodite ménopausée. Car moi j'aime, oh j'aime, ma calvitie. Oh j'aime, oh oui j'aime, mon crâne dégarni. Oh j'aime, oh j'aime, ma calvitie. Oh j'aime, oh oui j'aime, mon crâne dégarni. Béni soit la calvitie précoce, bienheureux les coiffeurs corses. Béni soit la calvitie précoce, bienheureux les coiffeurs corses. Béni soit la calvitie précoce, bienheureux les coiffeurs corses. Béni soit la calvitie précoce, bienheureux les coiffeurs corses. Béni soit la calvitie précoce, bienheureux les coiffeurs corses. Zébaté baba ba. Et voilà, bonjour Unfred qui a rejoint le chat alors que bon, il ne reste plus grand chose comme durée d'émission. Enfin bon, c'est déjà bien d'être venu nous faire un petit kikou, comme ils disent, sur Skype Group, là, ou je sais pas trop quoi, le truc qu'elle a pour les jeunes qui savent pas écrire autrement et qu'en abrégé téléphonique, là, alors qu'ils ont pourtant largement la place pour écrire en langage clair. Et donc... Donc, en reprenant donc le tout début du chat, donc Mr Pop m'avait suggéré le poil dans la main. Alors là, trouver un poil dans la main sur l'archive dogmatique, c'est pas évident. Il y a par exemple la main du capitaine Crochet, donc que j'avais repéré, mais bon, j'ai pas le temps de tout faire passer parce que je ne sais pas si cette main est velue ou pas. D'ailleurs, les poils généralement on les a plutôt sur la main que dans la main. Et en fait, quand on a un poil dans la main et qu'on va sur Dogmagique, on ne fait que chercher de la musique, parce que pour faire de la musique avec un poil dans la main, la musique, c'est quand même du travail. Donc, ça ne va pas tout à fait ensemble. Par contre, j'ai trouvé Sidred, qui lui fait de la musique avec une poil dans la main, dans la cuisine. Et il y a également le piano, la batterie et la mandoline, que l'on oublie. Et donc Sushi Dread qui fait donc de la musique dans sa cuisine, donc avec sa poêle dans la main, Et donc, l'album s'appelle Kitchen Combat. Il date de 2007 aussi. Bon, finalement, j'ai pas mal de choses de l'année dernière quand je regarde. C'est sous licence Creative Commons by NCND 2.5, de l'archive de Dogmazic aussi. Et le morceau que je vais vous faire passer, c'est Kitchen Dust dans son Lion Samosa Dub Mix. Alors, c'est pas ce que c'est qu'un Lion Samosa Dub Mix, ne me demandez pas d'explication. S'il le dit, c'est que ça doit être vrai, puisque sa musique, il ne la vend pas, il n'a pas besoin de mettre des superlatifs à la Gilux ou des trucs de publicitaire ou je sais pas quoi pour revendre. Donc, ça doit être effectivement mixé dub Lion Samosa avec l'album Kitchen Combat, cette musique qui est faite avec une poêle dans la main. Qu'on trouve dans de très bons fromages d'ailleurs. Sans ces acariens, ces fromages n'existeraient pas. Pour reprendre donc le qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc pour Mr Pop, là, je resalue Alfred qui nous a nouveau quitté, qui a nouveau quitté le chat. Donc les émissions seront effectivement podcastées pour répondre à Mr Piggy Pop. Donc c'est sur pas directement sur ma page musicale, mais sur une autre page à part. Hein, donc http://www.dogmagic.net, jusque là vous connaissez l'adresse, mais si bien immédiatement, donc tout collé, hein, slash émission au pluriel sans accent, le tiret sous les vitres, 2 tiret sous les vitres, radio, le tiret sous les vitres, dogmagic. C'est voilà, c'est là-dessus que ça va être, c'est là-dessus donc, que je vais mettre en fait l'enregistrement de cette émission consacrée donc cette semaine consacrée au poil, la poêle qu'on tient dans la main, mais surtout les poils qui poussent sur la peau. Et je vais donc conclure enfin cette émission avec un petit dernier morceau là, on va se faire plaisir, de Vince 2, V-I-N-C, le chiffre 2, ça s'écrit comme ça, Hair Forest, une forêt de cheveux ou une forêt de poils, on traduit comme on veut, un morceau sous licence art libre de l'album Illusion, qui a été mis en ligne et enregistré probablement en 2007. Et c'est donc le dernier morceau, et puis juste après ça, ben, je rends l'antenne au robot Jukebox du site. Alors, salut à tout le monde, à Mister Pop, et puis à tous les autres auditeurs qui suivent, et puis ceux qui ne sont pas venus sur le chat, mais c'est pas grave, du moment que vous écoutez, c'est bien. Alors, bonne soirée, et à une prochaine émission.